Chapitre 15e, le château des Ducs. La nuit enveloppait la ville d'Alençon d'un manteau d'ombre soyeuse, baigné par la lumière pâle de la lune, enfin libérée de ses nuages. Même les étoiles, discrètes et lointaines, semblaient murmurer des récits oubliés. Le château des Ducs, plongé dans cette obscurité profonde, se distinguait par sa silhouette à la fois énigmatique et souveraine. Jadis forteresse imprenable, puis austère prison, l'édifice s'était transformé en un somptueux palace. Ses tours restaurées avec un soin méticuleux se dressaient comme des vigies éternelles défiant les siècles. La lumière tamisée des projecteurs effleurait la pierre claire, sculptant des jeux d'ombre et de reflets, tandis que la lueur blafarde du disque argenté glissait sur les courbes et les arêtes de son architecture médiévale. Dans ce subtil dialogue entre ombre et lumière, le château semblait revêtir une splendeur spectrale, à la fois familière et insaisissable, tel un écho du passé vivant dans le présent. Dans la cour pavée, une Renault Rafale d'un bleu profond surgit avec maîtrise, ses pneus crissant légèrement sur le gravier et soulevant une fine gerbe de poussière. Les phares balayèrent les jardins minutieusement entretenus, révélant des sculptures végétales élégantes dont les formes semblaient danser dans l'ombre. Sous l'arche lumineuse, un voiturier en uniforme impeccable s'inclina avec une élégance professionnelle. Edmond de la Modiquière descendit le premier sur de lui. Son regard averti s'attarda sur les mâchicoulis récemment restaurés, admirant le soin apporté à la rénovation du château, qui n'était pas sans évoquer ses propres efforts pour redonner son lustre à son manoir de la Herse. Ajustant son écharpe avec une élégance nonchalante, il se tourna vers Victor. Le comte d'Abron, lui, affichait en apparence une sérénité digne du baron de la drogue qu'il était devenu, même si au fond de lui une légère appréhension imperceptible lui nouait l'estomac. « Toujours aussi spectaculaire, » observa Edmond avec un sourire. « Cet endroit ne cesse de m'impressionner. Ludovic a vraiment le sens du détail. » Comme pour confirmer ses paroles, le vicomte Ludovic Paillard de Chenay fit son apparition sous l'arche lumineuse. Impeccablement vêtu d'une gabardine taillée sur mesure, il avançait avec une aisance naturelle, son sourire affable teinté d'une gravité presque imperceptible. « Edmond, Victor, soyez les bienvenus, » déclara-t-il d'un ton chaleureux mais mesuré. « Ce soir, tout a été pensé pour marquer les esprits. » Victor hocha la tête, scrutant les détails avec une attention calculée. « Impressionnant, en effet, » répondit-il, sa voix calme empreinte d'un léger détachement. Après cet échange sous l'arche lumineuse où Ludovic les avait accueillis, les trois aristocrates franchirent les lourdes portes du palace en poursuivant leur conversation. À l'intérieur, une élégance feutrée les enveloppa aussitôt. L'entrée, vaste et somptueuse, mêlait harmonieusement le charme intemporel du style classique à des touches subtiles de modernité. Les dorures délicates des moulures, sublimées par une lumière tamisée, se mêlaient harmonieusement aux lignes nettes du mobilier contemporain. Un parfum subtil de bougies haut de gamme flottait dans l'air, ajoutant une note de distinction à l'atmosphère opulente et parfaitement orchestrée. Derrière un comptoir en marbre poli, deux jeunes femmes au physique de mannequin, impeccablement vêtues, s'activaient auprès des clients. L'une, un téléphone à l'oreille, conversait en anglais avec une voix posée, probablement pour une réservation de dernière minute, tandis que l'autre, inclinée gracieusement sur le bureau d'accueil, tendait des clés d'oreille à un touriste, accompagnant ses explications d'un geste précis vers l'ascenseur. Autour d'elle, les grooms en livrée allaient et venaient avec une coordination presque chorégraphique. L'un poussait un chariot chargé de malles Louis Vuitton, le recoin de cuir brillant sous l'éclairage raffiné. Un autre tenait la porte à un couple de Japonais qui se dirigeait vers le restaurant, tandis qu'un troisième portait un plateau d'argent sur lequel trônait une bouteille de champagne et de coupe destinée au service d'étage. Victor ralentit légèrement, fasciné par ce ballet parfaitement orchestré. Edmond, de son côté, ne dissimulait pas son admiration. « Voilà un accueil digne d'un palace parisien, » murmura-t-il, avant de suivre Ludovic plus avant dans le hall principal. À l'intérieur, le hall principal offrait un spectacle saisissant. Des tapisseries anciennes encadraient des meubles design épurés, tandis que des lustres en cristal projetaient une lumière scintillante, adoucissant les murs de pierre brute. L'ensemble respirait un équilibre maîtrisé entre tradition et modernité. Ludovic, marchant à leur côté, brisa le silence avec une pointe de malice. « Alors, Victor, votre verdict ?» Victor balaya la pièce du regard, laissant un bref silence s'installer avant de répondre. « Ce n'est pas seulement un équilibre, » déclara-t-il finalement, précis et mesuré, « c'est une renaissance. Réinventer sans dénaturer, c'est un art, et cela exige des sacrifices. » Ludovic esquissa un sourire, effleurant la pierre du bout des doigts. « 3 ans de travaux, des négociations interminables avec les bâtiments de France, une bataille parfois épuisante. Mais finalement, le résultat en valait la peine. » Edmond, admiratif, ajouta avec une sincérité palpable « Celui a une âme, Ludovic. On n'imagina jamais qu'il ait pu servir de prison. » Ludovic hochait la tête, un sourire fugace éclairant son visage. « Les murs gardent leur mémoire, c'est vrai. Mais ici, nous préférons regarder vers l'avenir. » Victor inclina légèrement la tête, silencieux. Pourtant, une lueur d'appréhension traversa son regard, trahissant un léger trouble. Ludovic, le remarquant, fit un pas de côté et ajouta, d'un ton teinté de mystère, « Ce qui vous intéresse, Victor, ne se trouve pas ici. C'est plus bas, près des anciens culs du Basse-Fosse. » Le vicomte Ludovic leur fit signe d'avancer, ouvrant une porte discrète qui dévoilait un couloir plongé dans la pénombre. Les murs nus de pierre envoyaient un léger écho de leurs pas. À mesure qu'ils progressaient, l'atmosphère devenait plus lourde, presque oppressante, comme si le château cherchait à absorber toute légèreté. Une odeur de terre et d'humidité imprégnait l'air, renforçant la sensation d'un voyage dans le temps. Au bout du couloir, Ludovic s'arrêta devant un escalier en colimaçon taillé dans la pierre brute. Il décrocha une torche fixée au mur et l'alluma avec soin avant de se tourner vers ses compagnons. « Prenez garde aux marches, elles sont vieilles et traîtresses. Ce n'était pas fait pour le confort. » Victor esquissa un sourire presque imperceptible, un mélange de nervosité et d'ironie, avant de s'engager dans la descente, Edmond juste derrière lui. À chaque marche, l'air se faisait plus froid, la lumière vacillante de la torche projetant des ombres mouvantes sur les parois rugueuses. Leurs pas résonnaient faiblement, amplifiant la gravité de l'instant. Enfin, l'escalier déboucha sur un vestibule voûté. Devant eux se dressait une porte massive, faite de chaînes sombres et cerclée de ferrures noires. La pièce exhalait d'une odeur de bois ancien et de métal froid. Le heurtoir, sculpté en forme de croix pâtée, semblait défier quiconque s'y attarderait. Ludovic posait doucement la main sur le heurtoir, effleurant les gravures comme pour mesurer le poids symbolique. Il se tourna lentement vers Victor, son regard perçant, et déclara avec gravité « C'est ici. » Edmond posa alors une main ferme sur l'épaule de Victor, son visage empreint d'une solennité rare. « Ce soir, Victor, tu franchis un cap. Tous les impétrants de l'ordre sont passés par là avant toi. » Avron hocha simplement la tête, conscient de la gravité de l'instant. Il garda le silence, concentré sur ce qui l'attendait. Un silence épais s'installa, presque palpable, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Ludovic, après un court instant, frappa 3 coups, lourds et distincts, dont l'écho sembla se perdre dans les entrailles du château. Victor sentit son souffle se suspendre. Derrière cette porte, l'histoire et le présent s'entremêlaient. Il s'apprêtait à entrer dans un monde dont il ne pouvait encore saisir toute la portée. Dans les profondeurs du château des Ducs, le comte Victor Poisil d'Avron avançait lentement, vêtu d'une ample chemise de lin blanc qui lui descendait jusqu'aux genoux. Le tissu, froid et rugueux contre sa peau, absorbait l'humidité de l'air, accentuant la rudesse du lieu. Ce vêtement, imposé par le protocole, symbolisait sa vulnérabilité face à l'épreuve à venir. Suspendu à son cou par une chaîne de métal, une lanterne contenant une bougie vacillante projetait une lumière tremblante sur les murs suintants. Derrière lui, le baron Edmond le Rondeau de la Modiquière, son parrain en cette occasion solennelle, avançait en silence, suivi de 2 membres masqués de l'ordre de Saint-Michel. Leurs silhouettes austères, à peine visibles dans la pénombre, semblaient flotter dans l'obscurité, ajoutant une aura mystique à la procession. Aaron fut conduit dans une pièce exiguë enfouie au cœur des anciennes oubliettes du château. L'air, froid et humide, semblait se refermer autour de lui, saturé par l'odeur minérale de la pierre. Au centre de la pièce, une guillotine dressait sa silhouette lugubre, sa lame luisant faiblement la lumière vacillante de la lanterne. Lui faisant face, un prie-dieu en bois brut, usé par le temps et le passage de générations d'impétrants, attendait, chargé d'une austérité rédemptrice. Le chambellan, drapé dans un manteau cérémonial richement orné, s'avança lentement. Son pas mesuré et la gravité de son geste, lorsqu'il désigna la guillotine, imposèrent un silence encore plus pesant, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. « Comte Victor Poisil d'Avron, déclara-t-il d'une voix grave, avant d'entrer parmi nous, vous devez affronter votre propre essence. Recueillez-vous, seul, et contemplez la fragilité de l'existence. C'est face à la mort que l'homme noble révèle la vérité de son âme. » Le comte obéit sans mot dire. Il s'agenouilla sous le prie-dieu, la guillotine face à lui, silencieuse mais imposante. La porte du cachot se referma derrière lui, et le silence devint total, seulement troublé par le souffle irrégulier de la flamme. Les minutes passèrent, longues et oppressantes. Victor, seul dans cette pénombre glaciale, sentit l'angoisse monter en lui. Mais peu à peu, cette peur se transforma en une étrange lucidité. La solitude absolue, l'obscurité et l'idée de la mort étaient des épreuves destinées à le forger. Le cachot n'était éclairé que par la flamme vacillante de la lanterne, dont les lueurs incertaines projetaient des ombres mouvantes sur les murs, imprégnées d'une entêtante odeur de salpêtre. L'air glacial portait un parfum métallique mêlé à celui de la poussière ancienne, évoquant une présence presque palpable du passé. À intervalles réguliers, une goutte d'eau tombait d'un point invisible, son écho résonnant dans le silence comme le tic-tac d'une horloge funèbre. Le sol de pierre, rugueux et irrégulier, aspirait la chaleur de son corps, et Victor sentit l'humidité s'insinuer dans ses genoux, refroidissant encore sa peau. Chaque détail de cet endroit semblait conspirer pour alourdir l'instant. Les murs, comme habités par une mémoire ancienne, semblaient chuchoter les échos des épreuves d'autrefois, ajoutant à la solennité pesante du moment. Seul face à la guillotine, Victor sentit son souffle ralentir, comme si le temps s'étirait à l'infini. La solitude et l'obscurité étaient des juges implacables, forçant chaque pensée à émerger avec une netteté brutale. Les doutes enfuis refirent surface, plus acérés que jamais. Se montrait-il courageux ou seulement téméraire? Se pliait-il à ce rituel pour honorer sa lignée ou pour se prouver à lui-même qu'il valait plus que ce qu'il craignait d'être? Les réponses lui échappaient, mais une chose restait certaine, il ne pouvait plus reculer, pas ici, pas maintenant. Un bruit léger derrière lui rompit le silence. Victor ne bougea pas. La porte s'entr'ouvrit, et la lumière d'une torche vacillante révéla la silhouette du chambellan, dont les pas résonnèrent faiblement sur les dalles inégales. « Le moment est venu, » déclara-t-il d'une voix grave et posée. Victor se releva avec lenteur, ressentant le poids du froid qui s'était infiltré dans ses muscles. La lanterne qu'il portait balançait doucement, projetant des ombres dansantes sur les murs suintants. Le chambellan le guida hors de la petite pièce, sans un mot de plus, empruntant un couloir étroit où leurs pas résonnaient dans le silence oppressant. À mesure qu'il progressait, les murs nus gagnèrent en régularité, comme si le château retrouvait peu à peu une certaine grandeur. L'air glacial et chargé d'humidité devint plus respirable, bien que toujours empreint de l'odeur de la pierre ancienne. Ils atteignirent une porte massive, faite de chaînes sombres cerclées de ferrures noires. Elle se dressait comme une frontière imposante, séparant les ténèbres du couloir de ce qui semblait être un autre monde. Le chambellan posa une main ferme sur le bois vieilli avant de se tourner vers Victor. « Préparez-vous. Une fois cette porte franchie, vous serez devant l'assemblée. » Victor inspira profondément, tentant de contenir l'angoisse qui montait en lui. D'un geste résolu, le chambellan poussa la porte. Le lourd battant s'ouvrit dans un grondement sourd, laissant jaillir une lumière éclatante. La vive clarté de la salle du chapitre l'aveugla un instant, l'obligeant à cligner des yeux. Désorienté, il fut saisi par le contraste saisissant entre les ténèbres glaciales du cachot et la majesté solennelle qui l'entourait désormais. Un frisson, non pas de froid, mais d'une émotion intense, lui parcourut l'échine. La grandeur de la salle, baignée d'une lueur dorée, semblait suspendre le temps. Les murs de pierre finement taillés vibraient sous l'éclat des braseros et des lustres en fer forgé, dont les flammes dansaient, projetant une lumière chaleureuse et imposante. Sous ses pieds, le dallage de marbre noir et blanc résonnait distinctement à chaque pas, chaque son s'élevant jusqu'à la voûte vertigineuse. Des bannières éclatantes, ornées de motifs héraldiques, capturait et reflétait la lumière, amplifiant encore la splendeur du lieu. L'atmosphère, empreinte d'un sacré immuable, semblait figée hors du temps, imprégnée de l'histoire et des rites séculaires de l'ordre. Au sommet de l'assemblée, le duc François Pomelin d'Auge, chancelier de l'ordre et sénateur de l'Orne, trônait avec l'assurance tranquille d'un homme forgé par le pouvoir et le devoir. Bien qu'âgé d'une soixantaine d'années, il semblait encore dans la force de l'âge. Sa chevelure argentée, soigneusement coiffée sur le dessus et taillée près du crâne sur les côtés, lui donnait un faux air de Godefroy de Montmirail. Son nez aquilin et ses yeux perçants, d'une rare acuité, semblaient sonder les âmes, mêlant sagesse et fermeté dans un regard aussi pénétrant qu'intimidant. Drapé dans sa tenue officielle immaculée, il incarnait une autorité sobre, empreinte d'un charisme magnétique. Assis sur un siège massif en chêne, orné de gravures héraldiques et surmonté d'une croix pâtée, il dominait l'assemblée. Les accoudoirs finement ouvragés et le cuir sombre du coussin, patiné par le temps, renforçaient l'austérité et la solennité de sa fonction. Victor parcourut la salle du regard, absorbant chaque détail vibrant d'histoire. Il se tenait au centre de ce sanctuaire, enveloppé de lumière et de solennité. « Suivez-moi !» ordonna le chambellan. Victor obéit en silence, ses pas résonnant faiblement tandis qu'on le guidait à travers les couloirs sombres du château. À mesure qu'il progressait, le sol devenait plus régulier, et l'air, jusque-là glacial, se réchauffait légèrement. Il comprit qu'il remontait. Finalement, ils s'arrêtèrent. Avron se retrouva au centre de la salle du chapitre, où lumière et majesté semblaient l'encercler tout à coup. La salle était grandiose. Les murs de pierre étaient ornés de bannières aux couleurs vives, représentant les armoiries des chevaliers présents. Le fond de la pièce était dominé par une estrade où siégeaient le chancelier, le tabellion et le chambellan, chacun devant son écritoire et son fauteuil richement sculpté. Derrière le chancelier flottait la bannière royale blanche, frappée de trois lys immaculés. Sur des gradins de bois, de chaque côté de la salle, les compagnons d'armes de l'ordre, masqués vêtus de leurs habits cérémoniels, observaient en silence. Victor, toujours vêtu de sa chemise blanche, marquée par l'humilité du cachot, se tenait face à eux, la tête haute, mais le regard empreint d'une émotion palpable. Le baron Edmond le Rondeau de la Maudiquière, son parrain, s'avança au centre de la pièce, tenant un rouleau scellé. Le tabellion se leva, tendant la main pour recevoir le document. « Ce viatique, annonça le baron d'une voix forte, atteste des quartiers de noblesse du comte Victor Poisil d'Avron. Par lui, je me porte garant de sa lignée et de son honneur. » Le tabellion déplia le document et l'examina en silence, puis locha la tête en direction du chancelier qui se leva à son tour. « Compagnons d'armes, nous accueillons parmi nous un prétendant dont la noblesse est pure et dont les actes sont dignes. Il est des nôtres. » Les chevaliers répétèrent en chœur, « Il est des nôtres. » Le chambellan s'avança alors avec une dague rituelle, une lame d'apparat finement ciselée. Il fit signe à Victor d'avancer, puis désigna son bras gauche. « Levez votre manche !» Victor obéit. Deux chevaliers se placèrent à ses côtés pour le soutenir, tandis que le chambellan traça une ligne sur son bras avec la lame, libérant un liquide bleuâtre qui s'écoula sur sa chemise immaculée. Le contraste saisissant fit s'élever un murmure d'approbation parmi l'assemblée. « Regardez, compagnons !» s'écria le chambellan. « Le comte Victor Poisil d'Avron a le sang bleu. Il est des nôtres. »« Il est des nôtres !» répondit l'assemblée en écho. Le chancelier prit alors la parole. Il ralluma la lanterne autour du cou de Victor, dont la flamme vacillante illumina son visage marqué par l'émotion. « Agenouillez-vous » ordonna-t-il. Victor obéit, et un silence presque sacré s'abattit sur la salle. Puis, d'un mouvement parfaitement coordonné, les compagnons d'armes se levèrent sur les gradins, leurs masques brillants reflétant la lumière des chandeliers. Une voix s'éleva, grave et profonde, bientôt rejointe par un chœur d'une puissance envoûtante. Ensemble, ils entonnèrent un chant ancien, chargé de sens et vibrant d'une force presque mystique. « Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les nobles et l'honneur, on les gardera. » Les voix résonnèrent, s'amplifiant sous les voûtes de pierre, comme si les murs eux-mêmes répondaient au chant. Victor sentit son cœur s'accélérer, pris dans une vague d'émotions qui semblait l'emporter au-delà du temps. « Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Pour la France et son roi, on se battra. » Chaque mot pesait comme un serment. L'air de la salle se chargea d'une solennité palpable, et Victor comprit que ce chant n'était pas seulement un rituel, mais une déclaration de foi envers des valeurs éternelles. « Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates, on les vengera. » Lorsque le dernier mot s'éteignit, un silence impressionnant reprit possession de la pièce, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Le chancelier s'avance alors avec une épée rituelle. D'un geste lent et solennel, il toucha les épaules de Victor. « Par le sabre et par l'épée, la guerre est notre métier. Noblesse oblige. »« Noblesse oblige !» répéta l'assemblée. Le chancelier tendit enfin la main à Victor pour l'aider à se relever. La lumière dorée dansait sur les murs de pierre, illuminant les moindres détails des bas-reliefs et des armoiries gravées. L'ambiance était empreinte d'une solennité palpable, renforcée par le crépitement discret des flammes dans les chandeliers. Victor pouvait entendre un murmure à peine audible, émanant des chevaliers masqués, un souffle collectif qui semblait traverser l'assemblée comme une onde invisible. Sous ses pieds, il sentait la froideur des dalles de marbre, pourtant polies à la perfection, et son regard fut attiré un instant par un vitrail dans le coin de la salle où une lumière tamisée filtrait en nuances de bleu et d'or. « Comte Victor Poisil d'Avron, vous êtes désormais écuyer de l'ordre de Saint-Michel. Portez ce titre avec honneur et loyauté. » Debout au centre de la salle, Victor sentit une étrange légèreté l'envahir. Était-ce le soulagement d'avoir passé l'épreuve ou la satisfaction de faire désormais partie de quelque chose de plus grand que lui? Mais au-delà de l'euphorie naissante, il sentit aussi une responsabilité écrasante s'abattre sur lui. Ce titre n'était pas un simple honneur, c'était une charge, un devoir, qui exigeait une fidélité sans faille. Alors qu'il levait les yeux vers les bannières chatoyantes, il se demanda si un jour il trouverait véritablement sa place dans ce monde qu'il venait de rejoindre. Les mots résonnèrent comme une promesse. Tandis que les compagnons applaudissaient en silence, Victor sentit un profond sentiment d'appartenance l'envahir. Il était des leurs, à jamais. La salle de réception du château des Ducs, vaste et majestueuse, baignait dans une lumière dorée. Les murs de pierre étaient ornés de riches tentures aux armoiries de l'ordre, et les chandeliers suspendus projetaient des éclats scintillants sur les dalles de marbre poli. Au centre, les tables avaient été disposées en un V parfait, chacune couverte de nappes d'un blanc immaculé, brodées du blason de l'ordre. À la pointe du V trônait le chandelier, le comte des Cajals. Aux extrémités du branche du V, à gauche, se tenait le tabellion, un homme mince, au visage anguleux, et à droite, le chambellan, dont l'air affable contrastait avec la solennité ambiante. Les chevaliers, tous masqués et vêtus de leurs habits cérémoniels, se tenaient debout derrière leurs chaises, en silence, leurs mains jointes dans le dos dans une posture d'attention rigide. Le chancelier leva une main et prononça d'une voix grave « Bas les masques !» Dans un mouvement parfaitement synchronisé, les chevaliers abaissèrent leurs masques, révélant leurs visages. L'atmosphère se détendit légèrement, mais l'ordre et la discipline restèrent palpables. Le tabellion s'avança d'un pas et déclara d'un ton clair et assuré « Ici prend fin le rituel. » Un cœur d'homme répondit d'une voix forte et unie « Noblesse oblige !» Le chambellan, un sourire malicieux aux lèvres, s'écria alors avec une joyeuse vigueur « Prenons place et ripaillons !» Les chevaliers éclatèrent de rire et tous s'assirent dans un bruissement de tissus et de chaises. Victor, en tant que nouvel intronisé, avait été honoré d'une place de choix, à la gauche du chancelier. Son parrain, Edmond, siégeait à droite. Ce geste, porteur de symbolisme, soulignait l'importance de sa nouvelle appartenance à l'ordre. Les conversations s'élevèrent progressivement, brisant la solennité des moments précédents. Autour des tables, des discussions animées prirent vie, mêlant souvenirs chevaleresques et débats passionnés. Le ton, bien que détendu, restait empreint d'un respect mutuel. Les serveurs, exclusivement des hommes vêtus de vestes impeccables, se déplaçaient avec une discrétion remarquable. Ils portaient des plats soigneusement préparés par les cuisiniers du château. Gibier rôti, poissons délicatement présentés et assortiments de légumes divers magnifiquement dressés. Victor, encore empreint de l'émotion de la cérémonie, observait les visages autour de lui. Ces hommes, quelques instants plus tôt anonymes derrière leurs masques, s'étaient transformés en individus tangibles, chacun porteur d'une histoire et d'un rôle dans l'ordre. Le chancelier, remarquant son silence, se tourna vers lui. « Alors, Victor, quel est votre sentiment à cet instant ? » demanda-t-il d'une voix chaleureuse. Victor hésita une seconde, cherchant ses mots. « Un mélange d'honneur et de responsabilité, monsieur le chancelier. Je mesure la grandeur de cet ordre et tout ce qu'il représente. » Le chancelier hocha la tête avec approbation. « Vous comprendrez vite que cet honneur n'est rien sans l'effort constant de le mériter. Mais ce soir, détendez-vous, vous êtes désormais des nôtres. » Edmond posa une main amicale sur l'épaule de son gendre. « Et profitez du festin, » ajouta-t-il avec un sourire complice. Le repas se poursuivit dans une ambiance à la fois conviviale et feutrée. Les conversations étaient ponctuées de rires et d'échanges de toasts. Cependant, une règle stricte était respectée, personne ne quittait sa place. Comme le précisait une vieille maxime de l'ordre, réputée avec malice par le chambellan, « Ici, nous savourons les plaisirs de la bonne chair sans céder aux désirs de la chair. » Victor ne put retenir un sourire en entendant cette phrase, qui provoqua un murmure amusé parmi les convives. Tout dans cette soirée semblait calculé pour marier la tradition et la camaraderie, la solennité et la simplicité. Alors que les derniers plats étaient servis, Victor se laissa porter par l'atmosphère unique de l'ordre. Ce banquet, plus qu'un simple festin, marquait le début d'une nouvelle vie, riche de promesses et de défis. La salle de banquet était un véritable théâtre de lumière et d'arômes. Sous les lustres scintillants, les tables richement dressées formaient une disposition en fer à cheval, symbolisant l'union et la continuité de l'ordre de Saint-Michel. Les coupes débordaient d'un vin rubis éclatant, et les rôtis dorés trônaient parmi les assortiments de légumes délicatement préparés. Le murmure des conversations se mêlait aux cliquetis des couverts, et une légère brise venue des fenêtres entr'ouvertes portait un mélange d'odeurs boisées et épicées. Victor, installé à la gauche du chancelier, observait la scène. Autour de lui, les chevaliers, désormais à visage découvert, discutaient avec animation. Quelques éclats de rire ponctuaient les échanges, mais une certaine gravité, insaisissable, semblait sous-tendre les dialogues. « Alors, Victor, dit le chancelier d'un ton mesuré, ces visages vous disent-ils quelque chose ? » Victor posa son verre de vin, balaya la table du regard et désigna trois figures familières. Le tabellion, Léopold de la Tour Maubourg. Nous nous sommes croisés à Paris lors d'une vente caritative organisée par Adèle. Exact, approuva Edmond avec un sourire amusé. Vous avez bonne mémoire. Victor reprit avec un sourire en coin. Étienne de Romanet, bien sûr, notre dandy des champs. Toujours impeccablement vêtu, avec cette allure de personnage tout droit sorti d'un roman de Huysmans. Il marqua une pause théâtrale avant d'ajouter d'un ton faussement détaché « On se souvient tous de son blog, Le Chat-Huant, écrit en pleine crise des Gilets jaunes, une chronique quotidienne où il mêlait observations poétiques et piques acérées sur la société. Cela lui a valu une renommée nationale et une inimitié durable avec le préfet de l'époque qu'il avait surnommé le Canoudal des ronds-points. » Ce surnom, particulièrement savoureux pour l'auditoire, évoquait Georges Cadoudal, le célèbre chef chouan qui avait défié la Révolution. Commandant d'une résistance royaliste opiniâtre, il incarnait l'esprit de lutte pour la monarchie et l'honneur des provinces nobles. Pour ses descendants d'aristocrates, dont certains ancêtres avaient combattu aux côtés des chouans, la référence amusait par sa modernité détournée. Pensé au départ comme une insulte, le titre de Cadoudal des ronds-points avait pris pour le comte de Romanet la forme d'une reconnaissance délicieusement subversive. À ce souvenir, un éclat de rire parcourait l'assemblée. Étienne, savourant ce moment, s'inclina légèrement, tout en traçant un moulinet gracieux de la main comme pour balayer les éloges. « Il vous en prie, » dit-il avec un sourire narquois, ses yeux pétillant d'un plaisir évident. Victor adressa un clin d'œil au comte, satisfait d'avoir éveillé l'hilarité sans jamais trahir le sérieux qui imprégnait encore l'atmosphère. Enfin, Jean-Lambert de Valorbe, président du conseil départemental, une figure que tout le monde connaît. Le chancelier hocha lentement la tête. « Vous êtes observateur, et vous allez vite comprendre pourquoi ces hommes sont ici. » Il s'éclaira soudain d'un sourire énigmatique et se tourna vers Edmond. « Parlons sérieusement, cher compagnon. Que savez-vous de Jacques Fouillot ?» Un silence respectueux s'installa, tandis que les serveurs déposaient une tarte tatin fumante devant les convives. Edmond fronça légèrement les sourcils, visiblement intrigué par la tournure de la discussion. Fouillot, autodidacte, écrivain populiste, galvanise les foules avec une rhétorique incendiaire, ressuscitant les vieilles accusations d'une noblesse accrochée à des privilèges d'un autre âge. Sa montée en puissance menace l'équilibre fragile du département. Le sénateur se redressa, sa voix coupant l'atmosphère comme un couteau bien aiguisé. Singulier est un euphémisme, cher Edmond. Cet autodidacte, un simple détenteur de CAP mécanique, est devenu un acteur politique redoutable. Sans jamais ouvrir un livre d'économie, il a bâti une solide réputation de technicien des finances. Son secret, une rhétorique populiste sans filtre. Il accuse la noblesse, nous, de n'être bon qu'à lever des impôts dignes de l'ancien régime, dîmes, gabelles, tonlieu. Des mots qu'il ne se prive pas de ressusciter pour galvaniser les foules. Les chevaliers éclatèrent de rire, certains levèrent leur verre en guise de sarcasme, mais Victor perçut une pointe de malaise dans les regards échangés. Le sénateur poursuivit, imperturbable. « Mais ne sous-estimez pas cet homme. Il joue les sans-culottes avec un certain talent, et pire encore, il commence à rassembler des soutiens. Des élus de droite, de centre et même de gauche se rallient à lui. Le maire d'Argentan, pourtant un socialiste convaincu, envisagerait de s'allier à la minorité actuelle pour effectuer un vote révolutionnaire visant à sortir les sortants, donc nous. Si Fouillot conserve son canton, c'est tout le département qui risque de basculer dans l'anarchie. » Il se pencha légèrement en avant, son regard perçant balayant chaque visage autour de la table. « L'ordre, messieurs, est et doit rester notre bon tout ce temps. » Cette formule frappante, typique de Pommelin, renvoyée au territoire créé sous l'apartheid en Afrique du Sud, conçue pour isoler les populations indigènes du pouvoir central. Mais dans la bouche du sénateur, l'expression prenait un tout autre sens. L'ordre était, selon lui, le dernier refuge de l'aristocratie, un bastion préservé où l'ancienne société continuait de prospérer à l'écart des turbulences républicaines. Il baissa légèrement le ton, rendant ses mots encore plus percutants. La gueuse, vous le savez, ce sobriquet que nos ancêtres réservaient à la République, ici a déposé les armes. Elle n'a fait que maquiller nos fiefs. Un sourire effleura ses lèvres. Nos comtés sont devenus des cantons. Voilà tout. Son expression s'assombrit alors qu'il achevait. Mais si Fouillot gagne, nous perdons ce qui fait notre force, l'autorité naturelle que confère notre histoire. Le silence qui suivit pesait lourd autour de la table, renforcé par le léger froissement d'une serviette pliée. Edmond échangea un regard inquiet avec Victor, qui, malgré son visage fermé, sentait sur ses épaules le poids croissant des attentes de cette assemblée. Edmond se redressa lentement, jetant un regard à Victor. Son silence semblait peser. Comme si, dans cet instant suspendu, il pesait les implications de ce défi. Une lueur de détermination éclata enfin dans ses yeux. Le sénateur, après un bref instant de réflexion, déclara d'un ton plus léger, presque complice, « Mais rassurez-vous, nous avons un plan. Edmond, selon nos sondages, vous êtes le seul à pouvoir battre Fouillot au municipal. Votre fameux miel fait des miracles et les habitants vous adorent. » Un éclat de rire parcourut la salle. Edmond, avec son flegme habituel, se redressa et prit un air faussement outré. « Mon miel, dites-vous. » « Je savais bien que ces abeilles méritaient un titre de noblesse. » Le sénateur esquissa un sourire avant de poursuivre, plus sérieux. « Quant au canton, nous pensons à Victor. » Tous les regards convergèrent instantanément vers lui. Le jeune homme, bien que surpris, demeura impassible, attendant la suite. « Vous êtes populaire auprès des jeunes, Victor. » Vous incarnez une modernité dont nous avons cruellement besoin. Et pour vous accompagner, nous vous avons trouvé un binôme idéal, Élise Riet, la mère de la chapelle Souef, une femme à poigne et surtout... » Il marqua une pause, laissant son regard malicieux balayer l'assemblée avant de lâcher, presque triomphale. « Elle a littéralement piqué toutes les fesses du canton. Infirmière libérale, elle est très appréciée des anciens. » Cette remarque provoqua un éclat de rire général. Même Victor, d'abord interloqué, finit par esquisser un sourire amusé. Edmond, fidèle à son humour mordant, leva son verre avec un air complice. « Voilà qui vous garantit une base électorale, aussi solide qu'un vieux chêne. » Les rires s'estompèrent doucement, mais l'ambiance restait légère. Le chancelier frappa alors doucement la table, ramenant le calme avec une certaine gravité, bien que ses yeux pétillants trahissent son amusement. « Plus sérieusement, messieurs, la tâche est lourde, mais elle est nécessaire. » Edmond, Victor, êtes-vous prêt à relever le gant ? Un silence chargé d'attente s'abattit sur la salle. Tous les convives, suspendus à la réponse des intéressés, semblaient retenir leur souffle. D'un bond, Edmond déploya sa grande carcasse, une détermination éclatante dans le regard. « Nous le ferons !» déclara-t-il d'une voix ferme qui résonna sous les voûtes. Victor, emporté par l'élan de son futur beau-père, se leva à son tour et répéta avec une assurance croissante « Nous le ferons !» L'assemblée répondit alors à l'unisson d'une voix puissante « Noblesse oblige !» Le martèlement des tables, rythmé comme un tambour de guerre, semblait faire vibrer les murs du château. Chaque coup résonnait comme une promesse, un serment tacite scellant leur engagement. Victor sentit son cœur battre au même rythme, comme emporté par une vague irrépressible d'énergie et de détermination. Victor, debout, sentit cette énergie collective monter en lui. Ce moment, à la fois solennel et galvanisant, scellait un pacte autant qu'il annonçait le début d'un combat. Il échangea un regard avec Edmond, et dans cet instant suspendu, une complicité nouvelle naquit entre eux, ancrée dans la promesse qu'il venait de faire devant cette assemblée.